Chapitre 14. Reprise. Or, la nuit, tandis que la troupe dormait, le sorcier lisait dans la flamme le ruissellement éperdu de la vie des branches. La flamme, nombreuse en êtres subtils et colorés, bondissants et crépitants, teinte de bleu fin, de jaune clair, de pourpre, rase sur les cendres et court vibrante, haute et onduleuse sur les ramilles, perdue dans les frontières de fumée qui par endroits s'allument et se déchirent, la flamme où surgissent mille chimères, des grottes, des forêts, de grands lacs rutilants, un monde fugace que des souffles inconnus attisent ou éteignent, un monde qui s'encolère et s'apaise et reprend plus furieux, dompté et redoutable, dévorateur de forêts soumis à la main d'un enfant. « Salut, feu !» dit l'oriental. « Plus beau que l'onde ton ennemi, doux à la terre que tu fécondes et doux à l'homme que ta caresse chauffe. » Il parut y rêver profondément. Peut-être y pressentait-il la grande merveille du futur, l'ère des métallurgies. Déjà des parties de terre ou de pierre avaient fondu à la chaleur. On retrouvait dans la cendre de petits lingots solides. Chacun gardait soigneusement ses larmes de métal. Il en était de diverses couleurs, des jaunes, des grises, des blanches. À les frapper d'une pierre, on leur donnait des formes. On les amincissait en lames, mais ces lames étaient fragiles, ployantes ou cassantes, et personne encore ne pensait y voir le rival de la pierre, de l'os ou de la corne. « Le feu coule dans nos veines, » murmura le vieillard, revenu à des mysticismes, « et c'est pourquoi notre bouche fume comme un brasier où l'on répand de l'eau. » Il respira voluptueusement dans l'orgueil de cette pensée, et son cœur fut large tandis qu'il contemplait la nuit. La lueur du foyer éteignait les étoiles zénitales, mais à l'horizon du fleuve elles scintillaient nombreuses et fines. Le feu de la lune, celui des étoiles, est un feu froid, ainsi que le regard des hommes. Il se tut. La clameur nocturne des futaies semblait moins haute. Très loin un lion rugissait et sa belle voix guerrière sonnait des creux d'abîme, des échos de montagnes puissantes et graves infiniment. Il ne régnait pas un souffle. Sur la clarté du fleuve, partout des feuillets s'estompaient en masses lourdes. Une angoisse venait de l'ombre. Le vieillard eut le frisson de ces choses. Il se dressa. La lumière du bûcher éclaira tout entière sa silhouette trapue. Alors il parut s'inquiéter de voir Hélem les yeux ouverts, et il écouta. Un bruit léger comme d'une bête rampante survenait des profondeurs obscures. Il s'y joignit bientôt de brusques tressauts de feuilles, puis un très petit coup sec, comme d'une pierre contre une pierre. « Debout » cria-t-il, l'arc tendu vers le point suspect. Une flèche sortit du couvert, rasant la tête du chef, et les orientaux étaient encore en demi-étendus, que d'un bond Vamiré se trouvait près de la flamme. À son tour, le vieillard décocha une flèche, mais elle se perdit vers la gauche du psan. Celui-ci, la massue haute, allait broyer son unique adversaire lorsque Hélem intervint, suppliante. Prompt, le grand nomade se porta vers les hommes à terre et son geste disait clairement qu'il tuerait le premier agresseur. Se sentant vaincu, les orientaux attendirent la loi de Vamiré. Le vieillard, sans crainte, regardait l'intrus. Il fit à ses hommes un signe d'apaisement. Parle et préfère la justice à la violence. Vamiré comprit qu'il pouvait dicter ses conditions. Sa mimique indiqua qu'il voulait Hélem. Va, dit le vieillard à la jeune fille, mais pourquoi prendre de force la fille de nos tribus? Que ton sang se mêle à notre sang, que la paix unisse les fils de la lumière à l'homme des contrées inconnues. Hélem prit la main de Vamiré avec des paroles douces et l'entraîna vers le sorcier. Il se laissa faire, capté par la voix grave et digne de l'oriental. mais derrière lui, les trois autres se levèrent brusquement, avec des clameurs enthousiastes. Vamiré crut à une perfidie, saisit Hellem et commença de fuir. À quelque distance dans la nuit, il s'arrêta. « Vieillard menteur, cria-t-il, ta voix chante la paix, mais ton esprit veut la guerre. Vamiré te méprise. » Il armait son arc et visait. Hellem de nouveau s'interposa. La flèche, déviée, s'enfonça dans les ténèbres. Alors les autres s'armèrent. Mais Vamiré disparut, tandis que le chef, triste, arrêtait la poursuite. « Ne courez pas à la mort. Il n'a pu comprendre mes paroles, et vos cris l'ont effrayé. » Le feu reçut de nouveaux combustibles, et pendant que la flamme brûlait clair, les orientaux se rendormirent, affligés de cette scène où leur naïveté à se croire compris avait rendu inutile la prudence du chef.